Eh bien, la dernière communication de la journée de Swen Fontaine et de Corinne Rousse. Donc, Swen Fontaine est au DRASM, Corinne Rousse est à l'Université d'Aix-Marseille et toutes les deux sont au Centre Camille Julien. Bon, et elles vont nous parler des recherches entreprises par une équipe sur le contexte portuaire de Foss et ses relations avec Carl et le Rhône. Nous vous proposons de vous présenter un dossier en cours de reprise. On va dire un dossier qui a pourtant suscité l'intérêt de nombreux érudits, de nombreux amateurs et de nombreux chercheurs dans les dernières décennies, mais qui finalement, au regard du potentiel archéologique et historique du secteur, reste plutôt très mal connu. Pour resituer, même si on vient d'avoir une présentation sur l'espace géographique, on va dire du golfe de Foss et du delta du Rhône, donc le fond du golfe de Foss, aujourd'hui qui est un golfe assez profond, est situé à l'extrémité orientale du delta du Rhône et abrite les vestiges d'une station portuaire ou d'un complexe portuaire, d'un des plus gros, des plus grands ports de Méditerranée nord-occidentale, en tout cas, au moins pour la période de la fin de la République et surtout de la période impériale, puisqu'il s'agit avec Narbonne de l'un des deux ports d'accès vers l'intérieur des provinces de l'Empire romain, Narbonne étant orientée vers l'ouest, on va dire, des provinces, et Foss via Arles, servant de porte d'accès entre l'ensemble du monde méditerranéen et les provinces de l'intérieur des Gaules, de Germanie et de l'espace britannique via l'axe Rhône-Saône-Rhin. Ce complexe portuaire apparaît sur la table de Pöttinger, Sabrina l'a montré il y a quelques instants, et elle apparaît sous le nom de Fossis Marianis, donc dérivé de Fossae Marianae, qui fait référence au canal de Marius, évoqué également par Sabrina. Et cette table reprend, pour illustrer le golfe de Foss, une icône très proche, presque identique à celle qui illustre les ports de Rome, en tout cas le secteur d'Ostie. C'est le seul port sur l'ensemble de la table qui reprend cette icône. Ça ne veut pas dire que ça va être directement comparé. En revanche, ça donne quand même une ampleur et du site et de son importance historique. Situé à l'extrémité orientale d'un espace deltaïque important, celui du Rhône, ce qui veut dire que le littoral, Claude nous l'a montré ce matin, le littoral a beaucoup bougé en 2000 ans de sédimentation, et en plus dans le secteur du golfe à proprement parler, c'est-à-dire cet espace-ci, toute la partie occidentale et la partie orientale du golfe est très entamée, on dira, par l'implantation de vastes complexes pétrochimiques et sidérurgiques depuis au moins les années 60. En revanche, un espace préservé entre les deux et qui remonte en direction d'Arles. Il s'agit d'une série de réserves naturelles constituées de marécages et d'étangs qui pourraient avoir protégé, au moins en partie, le tracé du canal de Marius. Ici, vous avez donc un extrait de la carte de Cassini où on retrouve donc le fond du golfe et cette succession d'étangs qui apparaît également sur la carte que Sabrina a montrée, carte qui est représentée au musée d'Arles, pour illustrer l'une des hypothèses qui a été émise sur le positionnement et sur la façon dont a été creusé le canal de Marius, c'est-à-dire l'utilisation d'une succession d'étangs et non pas un creusement ex nihilo sur près de 15 à 20 kilomètres. C'est une hypothèse parmi d'autres. On l'a dit et redit, le canal de Marius n'est pas encore localisé. Corinne y reviendra dans un instant. Une petite image du paysage bucolique du golfe de Foss actuellement. Aujourd'hui. L'ensemble de ce dossier, donc la partie portuaire et la partie canal, au vu du potentiel que ça représente et au vu finalement du peu de choses que l'on sait, je vais pas y arriver à la poser, du peu de choses que l'on sait, nous a incité il y a maintenant 2 ou 3 ans à reprendre le dossier dans une perspective de programme collectif pluridisciplinaire, donc qui prend la forme pour l'instant depuis 2013 d'un groupe de recherche du Centre Camille Julien, coordonné par Corinne et par moi-même, mais réunissant les acteurs qui travaillent déjà sur ces sujets-là, notamment Claude Vella et Corinne Landuré sur les secteurs du tracé du canal et sur le secteur du port à proprement parler, dont je vais parler dans un instant, une équipe DRASM, CCJ, Ipso Facto et Service archéologique de la collectivité territoriale de Ouest-Provence, c'est-à-dire du secteur de Fos, justement. Ce groupe de recherche est en cours de mutation vers un programme collectif de recherche au sens administratif, je vais y arriver, projet de recherche institutionnel, et devrait se développer de toute façon dans les années qui viennent, voire dans les 10 à 15 années qui viennent. Je vais me concentrer maintenant sur la partie portuaire et je laisserai Corinne développer les perspectives de recherche sur l'occupation du littoral. Donc la partie portuaire, elle se concentre dans le fond du golfe actuel, de part et d'autre d'une petite pointe rocheuse, la pointe Saint-Gervais, que l'on retrouve ici. Donc la pointe Saint-Gervais actuellement occupée par un port de plaisance qui a été construit en deux temps, donc la première partie dans les années 70, qui a permis de mettre au jour certains vestiges, malgré le fait qu'il les ait détruits par la suite. L'essentiel des vestiges que nous connaissons se situe justement dans cette anse, donc à l'est de la pointe rocheuse. Et dans ce secteur-ci, pendant longtemps, il a été donné, la présence d'une digue antique a été donnée par différents plongeurs locaux et repris par différents chercheurs. C'est le secteur sur lequel on a entrepris des sondages en 2012 et une fouille programmée en 2014 et qui se déroule en ce moment. J'ai lâchement abandonné l'équipe pour venir à Rome. Donc secteur qui a été investigué un peu plus que les autres et qui nous permet de remettre complètement en question, je le montrerai tout à l'heure, l'hypothèse de la digue linéaire bâtie sur près d'un kilomètre de long. Ce secteur-ci, dont je présenterai les vestiges tout à l'heure, en tout cas ceux qu'on est en train de mettre au jour, reste difficile à cerner en termes de géographie, puisque aujourd'hui on est en mer par quelques mètres de fond, à 80 mètres de la digue actuelle, et séparé de l'étang de l'Estomac par donc la digue actuelle, un chemin, le fameux canal de navigation d'Arlabouc qui a été évoqué plusieurs fois et qui reprend la fonction du canal de Marius antique, la route nationale et une implantation de Salins, mais dans l'Antiquité, en tout cas Strabon nous donne la mention d'une lagune ouverte sur la mer, en tout cas donc au moins à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous laisse, on va dire pour l'instant, un peu dans l'expectative sur la localisation des aménagements que je vous présenterai tout à l'heure, à savoir s'ils se trouvent déjà en mer, dans un espace lagunaire, sur un cordon lagunaire ou sur une berge. Pour vous présenter rapidement ce que l'on sait jusqu'à présent, ce qui a été fait dans le golfe de Fos et notamment dans l'anse Saint-Gervais, où la plupart des investigations ont été menées. Donc c'est un secteur très peu profond, hein, on a entre 20 cm d'eau et 4 mètres de profondeur, très accessible donc, et qui a rejeté depuis plusieurs siècles du matériel archéologique antique très abondant sur les plages, qui a déjà éveillé l'intérêt des érudits depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, et avec la possibilité d'accéder aux fonds marins avec le développement des bouteilles de plongée, c'est devenu un terrain de jeu très intéressant pour de nombreux plongeurs, déjà terrain de jeu du Gers en 1947, et les plongeurs se sont succédés pendant des décennies pour récupérer, au moins dans les parties superficielles, un mobilier archéologique antique extrêmement abondant qui a permis de constituer les collections du musée d'Istres et qui a permis aussi de constituer de très nombreuses collections privées dont nous n'avons finalement aucune idée, et on estime en général qu'on connaît la partie supérieure de l'iceberg et que l'ensemble, une grande partie en tout cas de ce qui a été abandonné dans le golfe de Fos nous est pour l'instant inconnu. On espère récupérer progressivement des informations et des collections. Pour donner juste un aperçu des structures, ou des, on va dire des ensembles de structures que l'on connaît jusqu'à présent dans le golfe, Ce secteur-ci est appelé nécropole depuis les années 70, période à laquelle une campagne du DRASM menée par Bernard Liu a permis de récupérer une vingtaine de stèles et d'hôtels funéraires, tous datés entre la fin du 1er siècle après et le début du 3e siècle. Quelques-unes sont inscrites, dont une inscription qui mentionne d'ailleurs un membre de d'une tribu liée à Arles, la tribu Terentina. Il en reste énormément au fond du golfe. Et le dossier est en cours de reprise par un étudiant Montmartre de la première promotion, je ne l'ai pas dit, mais ce secteur sert de support aux chantiers écoles et fournit des sujets de recherche au Master Montmartre, donc Master of Maritime and Coastal Archaeology, qui est développé par Aix-Marseille Université en collaboration avec le DRASM, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième ensemble de structures, ce sont deux hangars que Jean-Marie Gassin a fouillés dans les années 90, qu'il interprète comme des navalias. Cette interprétation a été remise en question et reste ouverte, on va dire. La question d'un hangar à bateau ou simple hangar ou simple entrepôt est toujours ouverte. Dans le secteur central, les équipes de Jean-Marie Gassin, donc architecte de l'IRA à Aix, ont également beaucoup travaillé à la fin des années 80, des prospections, des sondages qui leur ont permis de trouver des morceaux de structures bâties qui ont été relevés, mais qui n'ont jamais été vus dans leur ensemble. Ça ne leur a donc pas permis de voir ce que je vais vous montrer dans un instant, à savoir des structures monumentales encore en place. En revanche, elle leur a permis de mettre en évidence la richesse du golfe de ce secteur-ci, puisqu'ils ont procédé à des sondages et il y a encore des aménagements en bois qui sont conservés, certains aménagements avec du bitume, enfin ce qu'ils ont interprété comme étant du bitume sur des parties de construction. Sur le secteur de la plage Saint-Gervais, dans cette anse, on a deux ensembles, on va dire, de blocs probablement antiques qui sont bien conservés. La semaine dernière, une équipe du Centre Camille Julien et du DRASM ont procédé à des relevés topographiques. On aura une idée plus claire dans quelques temps. Ce qu'on sait, c'est que ce secteur-là pourrait aussi être occupé par un entrepôt ou un hangar. Je vais prendre une goutte d'eau. Ce que l'on connaît à terre se résume à très peu de choses. Ce qui est le mieux connu, c'est ce qu'on appelle le site de l'Estagnon, qui a été ouvert dans le cadre d'aménagement de la mairie, et une fouille d'urgence a été menée durant 7 jours en 2007 par Frédéric Marty, et ça a permis de sortir des aménagements, des structures de bonification, donc de grands caissons en bois remplis d'une succession de matériaux dont des amphores complètes dans certains des caissons. Ces caissons ont été assez bien datés. On est entre 65 et 85 après Jésus-Christ, donc ça correspond à une phase d'extension du port de Fos. Mais pour l'instant, nos connaissances à terre se limitent à ces structures de bonification de marécage et à des vestiges associés à un atelier de potier sur l'extrémité de la pointe Saint-Gervais. L'ensemble du matériel qui a été remonté, du matériel archéologique qui a été remonté depuis les années 50 du Golfe, donne, on va dire, une chronologie marquée du commerce, en tout cas du transit du port entre la deuxième moitié du 1er siècle après et le début du 3e siècle après. On a quelques éléments plus anciens, mais l'acmé de la circulation, de la fréquentation du port s'inscrit dans cette période-là. Les relations entre données géomorphologiques et vestiges archéologiques ont fait l'objet d'une thèse, celle de Claude Vella, en 1999. Et on évoquait tout à l'heure, Claude l'évoquait lui-même, la difficulté des raisonnements circulaires. Et en l'état du dossier, on est un peu dans ce système de raisonnement circulaire où les données géomorphologiques s'appuient sur les données archéologiques qui elles-mêmes s'appuient sur les données géomorphologiques. Et pour l'instant, on a besoin de reprendre, d'avoir de nouvelles données archéologiques et de reprendre l'ensemble pour avancer. Donc ce programme sur la partie portuaire a donné lieu à deux campagnes de fouilles et de sondages et de prospection. L'une est en cours et la précédente s'est déroulée en 2014 avec une équipe mixte, je vous l'ai dit, donc Centre Camille Julien, DRASM et avec la collaboration du service archéologique de Fos et de différents centres CNRS et aussi du musée d'Arles en la personne de Sabrina Marlier. Ça a servi de support au chantier école pour le master Momarc. Et dans les deux, je suis passée un peu rapidement, deux opérations principales en 2014, une opération de prospection acoustique et une opération de fouille programmée sur le secteur de la Maronnette dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'opération de prospection acoustique, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de méthode, il s'agit d'un sonar à balayage latéral, c'est-à-dire ce qu'on appelle un poisson, c'est un sonar que l'on immerge et que l'on tracte et qui permet, en renvoyant des ondes acoustiques, de faire un relevé du relief de ce qui apparaît à la surface, à la surface du sol marin. Cette cartographie acoustique a été faite donc à partir d'un zodiac, puisqu'on est dans des fonds très petits, je vous l'ai dit, entre 20 cm et 4 mètres de profondeur, et a permis de sortir une succession de structures dans le secteur central de l'anse Saint-Gervais, à l'endroit où certaines portions avaient été relevées par les équipes de Jean-Marie Gassin. Sauf que, en réalité, il s'agit bien de structures entière au sens où le plan est cohérent. Les trois principales sont orientées nord-sud et sont en connexion les unes avec les autres. Et lorsqu'on les a vues sur la cartographie sonar, je vais revenir en détail sur ces trois structures-ci, je vais y arriver. On les repère dans les photos aériennes ou les photos satellitaires, et on les repère également dans les photos aériennes anciennes, notamment celle-ci qui est un peu le point de départ des recherches sur le golfe de Fos. Donc c'est une photo de Montguilan qui a permis de reconnaître les différentes structures dont vous le voyez ici, et depuis on les voit plus parce qu'elles sont ensablées, les bases en pierre des Navalia de Jean-Marie Gassin, donc des hangars à bateaux qui ont été fouillés ici. Dans les structures qui ont été repérées, je vais accélérer. Dans les structures qui ont été repérées, on en a trois principales, on va dire pour l'instant. La structure A, qui est une structure quadrangulaire d'environ 100 mètres de côté. On a pu faire des plongées de vérification. Il s'agit bien donc de grands blocs taillés, présentant des marques de mise en œuvre, trous de louve ou trous de pince et des marques de scellement. Ces grands blocs, certains qui constituent le mur sud et le mur ouest, en tout cas la paroi sud et la paroi est, ont des dimensions assez importantes. On est dans des modules moyens d'1,50 m par 1 m, et certains atteignent jusqu'à 3 mètres de long par 2 mètres de large, de la belle pierre de taille. Le mur nord, qui a été relevé partiellement par Jean-Marie Gassin, est en fait un assemblage, deux successions de blocs de maçonnerie de 3-4 mètres de long, des mortiers, des moellons montés au mortier. Des prélèvements de ce mortier ont été faits hier matin justement pour essayer de déterminer s'il peut s'agir de mortier hydraulique ou non, pour essayer d'avancer sur la question d'une construction en partie sur un secteur immergé, sachant que les blocs qui sont ici, vu les systèmes de mise en œuvre et les systèmes d'assemblage, on est très vraisemblablement dans de la construction à terre. La structure B est une structure linéaire qui fait 100 mètres de long à peu près et qui est constituée de piliers. Deux piliers qui pour l'instant ne présentent pas de traces de montage au mortier, mais bien des blocs de modules très réguliers, pareil entre 1,60 m de long par 1 m de large, et des modules carrés plus petits, même chose, traces de mise en œuvre et de scellement. Bien qu'on ait couvert une grande superficie, on est limité avec cette méthode pour couvrir ce qui fait la connexion avec la Terre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a couvert 19 hectares, mais il nous reste tout le secteur qui nous permettrait de faire la jonction de l'interface Terre-Mer, c'est-à-dire des structures ou des pierres que l'on connaît ici, et les structures qui sont encore visibles dans l'eau, c'est au programme du des opérations à venir. Je vous ai mis juste un détail de la couverture au sonar balayage qui peut être faite lorsqu'on a une météo parfaite et qui permettrait déjà d'obtenir un relevé au moins partiel de l'ensemble de ces structures. Dans le secteur à l'est, c'est-à-dire le secteur de la Maronnaie, donc qui est séparé aujourd'hui de l'étang de l'Estomac, on a travaillé sur la tâche que vous voyez ici et qui est illustrée ici. Donc ça, c'est aussi un sonogramme acquis au sonar à balayage latéral. On est dans des aménagements très différents et de lecture beaucoup plus difficile, on va dire, que les grandes structures monumentales du côté de Lens-Saint-Gervais. Et sur le secteur central, on est en présence d'un aménagement qui émerge du sable sur 250 mètres carrés, environ 30 mètres par 10 mètres dans son extension maximale. Pour l'instant, c'est ce que l'on connaît, ce qui ne veut pas dire que les aménagements ne continuent pas sous le sable et on envisage de passer avec un subbottom profiler pour avoir une idée de l'extension des aménagements en pierre sous le sable. Donc ce secteur de la Maronnaie est constitué, donc ces aménagements sont constitués d'un enrochement de moellons grossièrement équarris, surmonté par des blocs architecturaux en réemploi qui proviennent aussi bien d'ensembles funéraires, on a des stèles funéraires, que d'ensembles domestiques ou monumentaux, et d'alignement de poteaux de grande dimension. Je vais y revenir dans un instant. Vous voyez l'orthophoto qui a été faite en 2014 qui donne un aperçu. Donc les moellons, les alignements qu'on voit mal sur la photo et les blocs en réemploi. On a pu sonder suffisamment profond pour attester qu'il s'agit bien d'un seul aménagement homogène qui serait daté par l'abondant mobilier céramique contenu dans les remblais qui ont sans doute été apportés avec l'enrochement du milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ, ou en tout cas de la seconde moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Le seul mobilier un peu qui se distingue un peu et qui n'est probablement pas venu avec la dépose des remblais, il s'agit d'un manche de spathe en ivoire, donc une pièce assez haut de gamme, on va dire, qui était associée entre deux blocs de pierre à une lampe à huile en bronze qui ressemble plus à des objets perdus qu'à des objets apportés par un remblai. Une illustration des blocs architecturaux en réemploi sur l'aménagement. Et ici, des illustrations donc des aménagements en bois qui constituent le site, un plan de travail, hein, c'est le plan qui a été actualisé en fin de semaine dernière avec les dernières données. L'alignement principal que l'on trouve ici, et en fait progressivement se dessine une série d'alignements également orientés nord-sud et espacés les uns des autres de 5 à 6 mètres en général. Et les sondages que l'on a effectués nous ont permis de mettre en évidence qu'il ne s'agit pas de caissons, c'est-à-dire comme la plupart des aménagements bois-pierre que l'on connaît pour l'Antiquité, où les aménagements en bois sont conçus pour retenir des pierres. Là, on serait plutôt dans quelque chose où les pierres viennent stabiliser l'implantation des alignements de poteaux implantés dans un sol meuble, vaseux et peu stable. On interprète donc la présence des grands blocs en position éparse sur le site comme un renfort supplémentaire pour venir stabiliser cet enrochement. Ces éléments nous permettent de restituer, alors c'est un croquis, hein, c'est plus pour visualiser cette première hypothèse, nous permet de restituer ce type de fondation, même si l'on ne sait encore absolument pas ce qu'étaient les structures supportées par cet aménagement sur pilotis. On sait que ça devait dépasser de l'enrochement en pierre d'au moins 2 mètres, puisqu'on en a retrouvé un poteau couché qui mesure 3 mètres de long. Quelles qu'ils soient, ces illustrations contemporaines sont plutôt des contre-exemples. Vu la succession de poteaux et la qualité, il ne s'agit pas de petites maisons de bord de lagune de pêcheurs. On est en face d'un aménagement programmé de grande ampleur. D'autant qu'il faut le mettre en perspective avec le secteur qui est immédiatement à l'est, qui a été mis en évidence avec justement la cartographie sonar et par des photographies qui ont été faites en 2007, où on est en présence du même type d'aménagement, mais qui cette fois s'étend sur 180 mètres de long par 70 mètres de large, et où on a les mêmes composantes, c'est-à-dire des alignements de poteaux en bois, du moellon grossièrement équarri, des blocs de pierre de taille en réemploi ou non, et pas mal de mobilier amphorique. Donc, quelle que soit la fonction de ces aménagements, quai de débarquement portuaire, aménagement de berge, bref, la question reste à éclaircir. Il faut l'envisager à l'échelle du fond du golfe et sur une très grande ampleur, donc un programme de construction homogène et non pas une initiative individuelle de petites maisons de pêcheurs. Il faut aussi le mettre en perspective avec l'occupation littorale de l'ensemble du golfe. Et je laisse Corinne développer cette partie-là. Alors juste pour, je ferai plus des conclusions et perspectives pour respecter le temps qui nous est imparti. Je voulais juste souligner pour ceux qui ne sont pas familiers de cette partie du littoral, donc du littoral de France, à quel point c'est industrialisé. Tu es passé un petit peu vite, mais non seulement il y a de l'urbanisation, il y a beaucoup de transformations depuis l'Antiquité, mais il y a aussi toute une partie du littoral qui est sous emprise industrielle très très lourde, des raffineries, donc qui ont beaucoup détruit et qui masquent aussi une partie de la documentation. Alors, simplement pour souligner quand même une particularité méthodologique de ce dossier concernant le port de Fos, qui est que l'essentiel en fait de la documentation vient de l'immerger, vous en êtes rendu compte avec la présentation de Swen, et que à terre on ne connaît pas grand chose à part la bonification flavienne, éventuellement quelques nétropoles. Un dossier qui est intéressant en revanche, c'est celui des villas littorales, dont on a parlé un petit peu dans le cadre de la communication de Sabrina. Et qui est illustré dans la partie orientale du golfe par la villa de la Beaumasse, hein, qui présente l'intérêt finalement assez rare sur la côte bleue et sur cette zone à l'ouest de Marseille par rapport à ce qu'on connaît dans le Var par exemple, donc qui présente l'avantage d'être quand même en partie conservée avec des murs qui affleurent sur la plage et encore un petit lambeau conservé, donc avec une occupation qui est datée par ramassage de surface, fin premier avant, premier après, jusqu'au troisième. On est quand même dans l'amplitude chronologique du grand fonctionnement du port de Fos. Et une documentation, donc là je vais passer, mais qu'on a un peu perdu depuis le 19e siècle. On semble bien avoir ici un plan de villa qui était encore conservé dans les années 70, qui a aujourd'hui disparu sous de l'urbanisation récente, mais un état de la documentation qui avait été dressé en 2008 par Hélène Marino, donc du service archéologique de Martigues, montrait quand même une certaine continuité, je passe un petit peu vite, qui permet de s'interroger justement sur la place de cette ville-là dans le complexe portuaire. Est-ce qu'on a quelque chose qui est directement lié, connecté au port de Fos, le rapport avec la Maronnède, ou alors est-ce qu'on a comme ça le début de ces chapelets de villas qui servaient de relais un petit peu sur le littoral. La Beaumasse est associée à des carrières et c'est ce qu'on connaît aussi sur d'autres occupations littorales, en particulier les Laurons, Sénem, Carry, sur le littoral qui part vers l'est en direction de Marseille. Alors donc on a la question de ces villas littorales, d'autre part de l'occupation également de l'étang de Berre, de tout ce rapport justement aux possibilités portuaires, hein, donc ce qui est en cours d'ailleurs, qui a été donné dans le cadre de master à des étudiants. Je voulais juste signaler aussi les recherches actuelles sur l'agglomération de Toulon, qui souligne, où des fouilles sont en cours sous la direction de Jean Chausserie Lapré, et qui souligne à quel point c'était aussi un point important, plus important qu'on a longtemps pensé, et sûrement une agglomération portuaire importante, sûrement très en lien avec Arles, et donc quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, ensuite, pour ce qui est du territoire, je ne reviendrai pas sur toutes les questions environnementales que maintenant vous maîtrisez parfaitement, et en particulier donc le lien pour Fos avec le bras oriental du Rhône antique, donc le Rhône d'Ulmet. Donc se pose évidemment, au-delà du rapport avec le Delta et le Rhône, la question du canal de Marius, donc où il y a une longue tradition des études, quitte est à la fois un problème environnemental lié au delta et justement là aux restitutions, un problème archéologique aussi, de comprendre qu'est-ce qu'on entend exactement par canal, souligner à l'époque de Marius, donc 1302, fin deuxième, on est très tôt, c'est une des premières attestations de, comme de ce type de canaux dans les sources avant tout ce qui les grands travaux d'époque, Césaro, Augustéenne, mais que au niveau archéologique, on a quand même pas mal d'attestations, en particulier en Italie du Nord, dans le cadre colonial, de ce type d'aménagement. Alors pas sur 30 km, sur 2, 3, 4 km maximum. Donc il faut réfléchir aussi sur cette question et qui est en cours de reprise, on l'a un petit peu signalé. Claude est passé très vite ce matin, il faudra se tourner vers lui aussi, qui est en cours de reprise, en particulier dans la zone des marais du Viguera, avec l'identification éventuelle de tracés. C'est assez complexe, notamment parce qu'il y a toute une histoire aussi de ces étangs qui serait à restituer. Donc c'est un petit peu l'objet, avec tous les acteurs, d'un programme, d'une recherche qu'on est en train de mettre en place. Voilà, vous avez un petit peu tous les différents partenaires, hein, des services de la culture, à l'université, au DRASM évidemment, mais c'est la culture aussi, et aux interlocuteurs locaux, en particulier donc d'une part le service d'Istres, d'autre part le musée d'art antique. Et je terminerai donc pour vous donner un petit peu la suite de cette enquête, hein, qui est quand même, c'est encore un très très jeune programme par rapport à ce qu'on a pu voir sur Narbonne hier, ce qu'on verra sûrement sur Portus ou autre, mais vous invitez à poursuivre l'enquête dans le cadre donc de la deuxième rencontre Cyrilli qui aura lieu au musée départemental de l'art antique, donc 11-12 décembre, et faire un peu de publicité aussi pour l'exposition commissionné par Claude Vella, Corinne Landuré sur la Camargue et justement tout le problème de la partie orientale du delta du Rhône. Bravo. Bon, on n'applaudit pas seulement le fait que vous avez parfaitement respecté votre temps, mais aussi merci beaucoup pour cette présentation efficace de ce work in progress. Vous avez bien compris qu'il s'agit de la reprise d'un dossier et comme a conclu Corinne, ce que j'allais faire moi-même, il faudra revenir bientôt pour avoir des renseignements un peu plus élaborés. Voilà. Alors évidemment, je vais commencer par une question périphérique, ce qui permettra à l'assistance de réfléchir, donc qui ne concerne pas du tout les ports. C'est sur la carte générale que vous avez montrée, surtout Swen, je crois, où il a mentionné une nécropole. Donc, est-ce qu'il faut en déduire qu'au deuxième, troisième siècle, ici, on était sur du sec, ou il faut en déduire ce dont j'ai l'impression que cette nécropole n'est attestée que par les stèles funéraires qui ont été sorties et qui semblent manifestement avoir été jetées là en vrac et provenant de la nécropole qu'on voit un peu plus haut, parce que sinon, si on est à pied sec ici au deuxième, troisième, ça pose à mon avis beaucoup de problèmes. Alors, le dossier est en cours de reprise. Non, cette question de la nécropole en place ou pas en place, réutilisation des éléments architecturaux funéraires, c'est une vraie question qui est posée depuis maintenant près de 30 ans où ça a été découvert. Et effectivement, c'est un secteur qu'on va réinvestiguer, la question étant de compléter les sondages. Au moment de la sortie des stèles et des hôtels funéraires qui sont maintenant au musée d'Istres, il y a deux sondages qui ont été faits donc par l'équipe de Bernard Liu et qui n'ont mis en évidence aucune ni structure de sépulture ni reste. Ceci étant, c'est des sondages en contexte maritime dans un endroit qui a pas mal bougé et on reprendra bien évidemment la question en faisant des sondages beaucoup plus systématiques, ne serait-ce que pour voir si effectivement on peut avoir plus d'infos sur l'existence possible d'une nécropole à cet endroit-là, ce qui ne serait pas complètement irréaliste si la grande structure quadrangulaire qui est ici et ces structures-là sont bien bâties à terre et sont bien en place, même si ça chiffonne Claude Vella, pour les perspectives perspectives géo-archéologiques, nécropole à côté, pourquoi pas. Ceci étant, on a sur les différents espaces et notamment la Maronède du réemploi de mobilier funéraire. Ça me chiffonne pas du tout. Non, je... Vraiment, c'est un point très très important. Et je voudrais faire une remarque sur le raisonnement circulaire. Si tu peux montrer, tiens, l'image de la carte. Et Je crois que si on veut travailler en interdisciplinarité, sédimentologue, géomorphologue et archéologue, tout à fait sereinement, c'est travailler un petit peu en groupe, définir nos stratégies, adopter nos méthodes, comprendre la sédimentation et confronter nos résultats à vos résultats. Et là, on est dans l'interdisciplinarité. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure sur la courbe de variation au niveau marin. J'ai établi une courbe de variation du niveau marin à partir des tourbes. C'est un indicateur sédimentologique pur. Et par-dessus, je plaque vos interprétations archéologiques des structures bâties avec des positions du niveau marin bien établies. Et là, on discute. Donc, on n'est pas dans le raisonnement circulaire, là. On est dans la confrontation des données, tout à fait sereine. Je ne pense pas avoir raison. J'arrive pas en disant que j'ai raison. Le niveau, il est là. Débrouillez-vous avec. Je dis, mes données montrent ça. Sur le Nil, ce que les collègues ont montré, c'est exactement ça. Ils disent, voilà, nos chenaux, ils sont là. Et des collègues disent, mais c'est pas possible. Et la pente et les ports, voilà. On confronte les données en adoptant chacun des méthodes scientifiques. Et les méthodes scientifiques archéologiques, elles sont beaucoup plus rigoureuses parfois, contrairement à ce qu'on peut penser, que ce qu'on utilise nous en géosciences, je trouve. Hein. Ce n'est pas vous envoyer des fleurs pour vous envoyer des fleurs. C'est vraiment, je trouve que vous, je ne vais pas vous apprendre à faire du terrain, c'est vous qui m'avez appris à faire du terrain très souvent. Donc, et après on réfléchit. Et donc sur les nécropoles, pour répondre sur les nécropoles, on a fait une série, j'avais pas encore commencé ma thèse, c'est un collègue qui est maintenant à Brest qui avait commencé à travailler sur ce dossier, qui s'appelle Serge Suanez, qui avait fait une série de carottages avec Mireille Provençal dans ce secteur-là. Et on a interprété les données sédimentaires qui nous restaient. Et les stèles, en l'occurrence, elles reposent pour partie sur un cordon de galets qui a 500 ans de plus que les nécropoles, que les stèles. Donc, il n'y a pas une coïncidence sédimentaire entre les stèles et le substratum sur lequel elles sont. Et donc, l'hypothèse, une fois que je confronte la donnée, je me dis, comment des stèles qui sont, je ne sais plus, datées du premier, deuxième, peuvent reposer sur un cordon de galets qui est 500 ou 600 ans. C'est possible, mais le problème, c'est qu'on est à 2,50 m de profondeur. Et à ce moment-là, ma seule interprétation, c'est que l'érosion a décapé le cordon sableux et les stèles sont descendues si la selle est en place. Alors, vous semblez faire la moue, il y a des blocos, oui. Il y a des blocos de la dernière guerre qui sont en Atlantique à moins 13, moins 14 mètres. Vous connaissez tout ça, les différents phares qui subissent l'érosion 19e, qui subissent l'érosion dans le delta du Rhône, dans le delta du Tibre, etc. Ils se retrouvent à des profondeurs très très importantes. Après, c'est là où vraiment on doit travailler de façon très... Et je ne vais pas vous apprendre votre travail. La question que je pose, c'est est-ce que ces structures sont en place? Est-ce qu'elles ont pu être bâties dans l'eau? Est-ce qu'il y a des bâtards d'eau? Et les collègues de Montpellier, leur travail sur le vivier, par exemple, j'ai discuté avec Nicolas, il est à moins 3 mètres, je crois, sous le niveau marin. On ne peut pas faire descendre le niveau marin, donc il a été bâti sous l'eau. Donc il faut chercher les arguments pour montrer qu'il a été bâti ou pas sous l'eau. Si les archéologues me disent « Ah non, c'est pas possible », et vous avez vos arguments, et je vous croirai, ils n'ont pas été bâtis sous l'eau. Et là, on va réfléchir sur des hypothèses d'enfoncement, d'érosion, de tectonique. Mais je vous en prie, ne mêlez pas toujours la tectonique des enfoncements, de la subsidence. Moi, je suis pas tectonicien, mais sur le delta du Rhône, quand je parle à mes collègues tectoniciens de 2 mètres d'enfoncement ou de 3 mètres d'enfoncement, ils me disent, mais en Iran, en Chine, où on a les événements, où au Népal, les événements malheureux que l'on connaît, on n'a pas ces vitesses. Donc on ne peut pas avoir en 2000 ans 2 mètres de subsidence ou des failles qui joueraient de 2 mètres. Et d'autant plus sur les stagnons, le travail de Frédéric remarquable, de Frédéric Marty, il permet de positionner exactement le niveau de la nappe phréatique qui est en relation avec le niveau marin. Et ce niveau, il est autour de moins 60 cm. Donc comment expliquer que en 65-85, on a un niveau marin sur la pointe qui est à moins 60 cm, montré par les archéologues, puisqu'on fait un drain, et que en même temps, on a un niveau marin qui serait 2 ou 3 mètres plus bas pour construire des structures hors d'eau. Donc la seule solution, c'est faire passer une faille entre. Une faille, je pose la question aux tectoniciens, je leur dis, une faille de 3 mètres qui a joué, un jeu de 3 mètres sur une faille qui a joué il y a 2000 ans, c'est possible. Ils me disent, non, pas en Provence. Mais bon, voilà, peut-être qu'on arrivera à montrer cette faille un jour. Mais pour l'instant, il n'y a pas de faille. De la réutilisation. Ça marche pour le secteur de la Maronnade. En revanche, pour le secteur qui est ici, alors effectivement, l'objectif des prochaines campagnes, ça va être d'arriver à sortir les éléments qui permettent de dire si c'est construit en eau ou hors d'eau, où on est dans l'élévation conservée également sur le fond actuel. Et à partir du moment, enfin, c'est très bien avec Claude, à partir du moment où on a les éléments qui permettent vraiment de dire que non seulement ces structures sont en place, parce que là, pour moi, elles le sont, mais qu'elles ont été construites hors d'eau, on peut effectivement commencer à se poser la question de ce qui s'est passé pour que ça descende de 1,50 m de trop par rapport à ce qu'on devrait observer. Et la question de la nécropole, elle va avec, c'est-à-dire que à partir du moment où... Elle est aussi par 4 mètres de fond, enfin entre 3,50 m et 4 mètres de fond, et elle peut avoir subi le même... Alors la digue côté Maronnade qui n'est pas une digue. Enfin, de fait, les aménagements qu'on a... Alors, je suis peut-être passée un peu rapidement tout à l'heure, mais les aménagements qu'on a mis en œuvre de ce côté-là, donc la Maronnade centrale, hein, c'est-à-dire ici, et ce qui est en train de sortir dans ce secteur qui fait 180 mètres de long par 60 mètres de large et qui reprend les mêmes composantes, on n'est clairement pas dans une digue bâtie sur un kilomètre de long comme elle a été supposée pendant des années. On est peut-être dans quelque chose qui constitue une frontière entre un espace lagunaire et un espace maritime. Mais pour l'instant, on n'est pas. Ce qui est sûr, on n'est pas dans une digue bâtie. On a un enrochement qui ne dépasse pas 60 cm et des poteaux qui dépassent de au moins 1,50 m, 2 m au-dessus de l'enrochement. Donc c'est voilà. On n'est pas dans une configuration de digue. D'autres questions? Justement sur la Maronnade. Donc cette structure que vous avez, dont vous avez fait un joli croquis, on peut la positionner en hauteur, puisqu'on vient d'évoquer la position. Je pense à la comparaison entre l'est et l'ouest, donc de Saint-Gervais. D'un côté, on a un mystère, hein, avec cette nécropole, et de l'autre, on a le même mystère ou pas ? À 20 cm près, ou à 30 cm près, le niveau supérieur de l'enrochement des aménagements de la Maronnade est au même niveau que le bas des structures actuelles de l'anse Saint-Gervais. On est entre 3,50 m et 4 m. Après, l'élévation des aménagements de la Maronnade, on ne peut que les supposer à partir d'indices ténus pour l'instant, c'est-à-dire un poteau couché qui fait 3 m de haut et qui est strictement similaire aux autres poteaux encore en place, encore implantés. Donc on imagine une structure sur pilotis, quelle qu'elle soit, qui dépasse de l'eau. On peut supposer que le niveau, ça détermine le niveau des eaux de l'époque, du coup. Si on suppose que c'est... Non, parce qu'on ne sait pas où est le niveau de l'eau. On sait qu'il n'est pas en dessous, en tout cas. Ouais. Ça veut dire que la zone aurait pu monter ou descendre. C'est pas le niveau de la mer, en tout cas, qui fait un... C'est pas la variation du niveau. Enfin, Claude peut répondre mieux que moi, mais c'est pas la variation du niveau marin général qui fait que ces structures sont submergées. Dans le cas de la Maronnade, le cas est un peu différent dans le sens où on ne sait pas si on est dans un espace ouvert, dans un espace lagunaire. La seule chose que l'on sait, c'est que les poteaux sont implantés dans un sédiment meuble qui se superpose avec des couches de posidonie morte. Donc on est forcément dans un espace maritime en eau, humide, un bord de berge, un bord de plage. En tout cas, on n'est pas à terre sur une colline, ça c'est sûr. Puisqu'il y a la lagune dite étant de l'estomac qui est derrière, dont on peut supposer qu'elle elle pouvait exister encore dans l'Antiquité, même s'il y a pas, il faudrait développer les études pour mieux comprendre cet élément. La semaine prochaine, on va faire des carottes avec Claude Vella sur le secteur. Mmh. Voilà, si tu peux montrer la lagune. Ouais. Voilà, l'espace ici qui est le bas de l'étang de l'estomac, qui est maintenant occupé par des salins, on voit ici. Et l'étang de l'estomac vient prendre tout cet espace, est coupé de la mer aujourd'hui, mais c'est ce que je disais, Strabon nous donne plutôt la description d'une lagune ouverte sur la mer. Donc au moment où les aménagements de la Maronnette sont mis en place, on peut être déjà en mer avec un cordon lagunaire qui s'est formé, on peut être dans un espace qui reste à définir, et les nouveaux carottages qu'on va entreprendre dès la semaine prochaine apporteront sans doute des éléments qui éclaireront un peu cette problématique. Sur les pieux en bois, on n'a aucune trace de balane qui pourrait donner une idée de la surface de contact au air. Le seul pieu poteau qui n'était pas couvert par l'enrochement, donc qui de toute façon était en contact avec du sédiment et de l'enrochement, est trop abîmé. On n'a aucune trace de balane. Bon, je crois que vous avez tous bien compris que c'était vraiment du travail qui est en cours, donc toutes les réponses ne sont pas là, et même très peu de réponses sont là. Ce que je voudrais souligner, moi, pour finir, c'est l'énormité des structures qui ont été mises en évidence, alors qu'on avait une impression, on savait qu'il y avait des choses dans le golfe de Fos, mais c'était des éléments éparpillés. Les travaux qui ont été faits récemment ont permis d'une part de les recartographier correctement, et puis surtout de mettre en évidence la présence de structures massives dont, pour l'instant, la fonction n'est pas connue, mais qu'on peut bien supposer être en relation avec les fameuses Phocis Mariannae. Merci de votre attention cet après-midi. Et donc, nous vous donnons rendez-vous demain matin